Radio Falmioul pour la toute dernière. Et Maëva, je sais que tu les aimes beaucoup. Oui. Tu es amoureux de ces gens de radio, c'est passionné. Donc, ce que je propose, c'est que ce soit toi qui lance la séquence. Ok. Alors, ils sont là pour notre plus grand plaisir. Je dois dire que j'ai attendu toute la saison pour les rencontrer en vrai. Voilà, ils arrivent. Voici. Habituellement, au cœur d'un petit village de Wallonie, chaque jour, René l'animateur et Guy de la Sono œuvrent à transmettre de la joie sur leur radio locale. Ce soir, ces deux passionnés prennent le contrôle de l'émission. Nos deux bénévoles de Radio Falmioul sont nos invités. Comment ça s'appelle la radio ici? Ah, ils sont déjà rentrés dans le studio. Monsieur, on est diffusé sur KIF en ce moment. C'est quoi un kiff? Bon les gars, prenez place au studio sinon on va pas s'en sortir. Jingle. Le jingle il est déjà passé. Mais vous êtes rentré trop tôt. Hey. Oh tu sens bon madame. Oh oh oh, on tire ses mains là. Je suis pas une chaise. Oh pardon. Guy, viens voir. Viens voir Guy. Mais j'arrive. Oh sois déjà. Attends, il est où le micro? Ah voilà. Oh, c'était ça, il est là. Oh. Guy. Oui. Un peu de tenue. Retourne-toi. Voilà, tu l'as le micro. Ouais, voilà, je l'ai, là, il est là, je l'ai. Et pourquoi est-ce qu'on est là? Mais on a envie d'une belle leçon de radio, donc vous avez l'antenne 3 minutes pour nous montrer comment. Ouais, ouais, j'ai trouvé les boutons, hein, c'est bon, on peut y aller. J'ai trouvé aussi les boutons, moi c'est bon, là j'ai tout ce qu'il me faut. Donc je disais. Ah, oh, c'est un autre, ça. Ah, c'est pas mal, ouais. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est de la connerie, ça. Non, mais vous avez bien trouvé les boutons. Vous avez l'antenne 3 minutes pour nous montrer comment on fait de la vraie et de la bonne radio. Guy, notre heure de gloire. On va leur montrer comment les pros travaillent. Ah, bah alors, attends, parce qu'il faut que je règle les micros proprement. Ah, là, comme ça. Ah, ah, non. Ah, oh, bah là, c'est parfait. Ah, bah là, je sens tout est parfait. Allez, hop, top générique! Ah, générique? Tu penses qu'on a ça quelque part? Ah, bah, j'espère. Tu l'as pas pris avec toi sur une clé USB? USB, fous-moi la paix, mon vieux. Auditrice de Radio Falmioul. Enfin, Kiff Radio. René et Guy vous disent bonjour. Vous êtes à l'écoute de la 97.8 en direct. Ville de Bruxelles. Des calèches électriques pour remplacer les chevaux à l'horizon 2024. Un homme exigeant, mais avec un cœur énorme. Ah. Claude Barzotti. Il est mort. Mais non, il félicite aussi, c'est mort, du con. Tunisie séduite à nouveau pour l'été. Geckos saisis dans un bagage. Ce sont des reptiles. Voilà, ça c'est fait. Je peux y aller avec les anniversaires? Oui, bon. Les anniversaires people, c'est maintenant. Demain, Nicole Scherzinger. Scherzinger. Vendredi, Kim Ardell. Samedi, Pamela Anderson et ses gros gros plou-plous. Oh non, Dieu. Oh, dimanche, Gargamel. Nadi, Mimi, Marty, McFly. Et mardi prochain, la poste. Oh, c'est plus précisément la poste Maline. Non les gars, je crois que c'est Post Malone. Le dicton du jour. Mais mon vieux, il faut suivre, hein. On est en direct. Voilà, merci René. Bon, le dicton du jour. Le jour de la Saint-Irénée, c'est le plus beau de l'année. La blague du jour. Pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours en arrière du bateau et jamais en avant? Ah! Ah! Ah, vous ne savez pas, hein? Ah, on fait des têtes de cul! Ah, vous croyez intelligent, mais, hein? Parce que sinon, ils tombent dans le bateau. Voilà. Maintenant, la musique! Oui, de la musique pour le plaisir de se retrouver, car on est vraiment contents de vous avoir parmi nous. Ça m'a essoufflé, ça fait longtemps que j'y avais plus fait de la radio comme ça, mon Guy. Ah bah oui, il faut prendre ton petit spray, là, pour t'oxygéner un peu, hein. Oui. Je sais pas si tu l'as encore sur toi. J'ai rien sur moi, Guy. Oh, je suis venu les mains vides. Ah bah oui. Quel plaisir de se trémousser ce mercredi soir avec une chanson. Je sais pas si c'est la bonne, c'est peut-être celle-là. Ah, c'est celle-là, oh, je crois. C'est bon, ça. À la délicieuse Nancy. Et son titre, on va s'amuser maintenant. Ah oui. Non, mais les gars, on va perdre tout le monde. Vous avez pas autre chose de plus... Enfin, de moins... Autre chose. Ça va, oui, on n'est pas ton jukebox, hein. Oh. Laisse, Guy. Oui. Voici un autre disque pour la morue qui se plaint. Ah. Elle s'appelle Luana. Retour en 1989. Ma petite. Et l'intro est longue. Et pas que l'intro, hein. Oh petit Jésus, je t'appelle avec mes deux petites mains. Ça fait 2 mois que tu as pris ma maman. Quand la nous, mon papa et moi, on a trop mal. Oh ma chérie, ne pleure pas. Ne sois pas triste. Dis papa, pourquoi maman aussi à temps me dire au revoir. Ne dis pas ça, ma petite fille. Ta maman est toujours auprès de nous. C'est vrai, dis pas. Non, mais arrêtez ce massacre. Je vais me fâcher, hein, attention, hein, Maïvla. Bon, Guy, on va devoir sortir le disque qui met tout le monde d'accord. Et crois-moi, celui-là, il va plaire à Maëva et tous les autres qui se plaignent. Ah ouais, non, elle va pas aimer. Handicapé, mais tu es mon enfant. Toujours je t'aimerai. Dédicace à la Madame Dufond. Mon petit ange. Non mais les gars, laissez tomber. S'il vous plaît, on passe à la suite. Bon ben, fais péter la pub alors. La suite sur votre station préférée. Où est mon bed? Allez, un bed. Merci. La suite sur votre station préférée, c'est juste après cette courte interruption des programmes de la 97.8. A tout de suite. La page réclame qui va suivre vous est offerte par Radio Falminioul. Vous avez un projet? Rénovation, transformation, amélioration de votre habitat. Vous cherchez une entreprise saine et sérieuse, rompue à tous les travaux de toiture et maçonnerie. L'entreprise Toiture et Réno, c'est la compétence et l'expérience à votre service. Ses atouts depuis 35 ans, patronne sur chantier, ouvrier qualifié et motivé, emploi de matériaux de qualité, engins performants dans le souci d'un délai respecté, sont du domaine de Maëva Toiture et Rénovation. Toiture, bardage de pignon, plateforme, zinguerie, isolation, rénovation, maçonnerie, terrassement, aménagement de trottoirs et terrasses. Un mois geste et Maëva Toiture et Rénovation s'occupe de tout le reste. Formez donc le 0475-26-89-67-48-58-69. Numéro d'appel de Maeva Toiture et Rénovation à Cudessart. Visitez le site maeva-toiture-rénovation-@stoplesclopes.be. La publicité que vous venez d'entendre aidera Radio Falminioul à payer le courant. Merci. C'est bien les gars, déjà vous m'avez fait rire. En plus, vous avez fait la séquence sans casser le studio, donc je suis très fière de vous. Ah voilà, j'ai trouvé mon micro. Pourquoi est-ce que j'aurais cassé le studio? Je sais pas. On est des professionnels, nous. Oh, elle va se calmer, la dame, hein. Tiens, René, dis, c'est quoi ce bouton, là? Non! Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Je crois qu'ils ont tout pété, en fait. Je me permets de revenir, hein, mais là, je pense que là, c'est mort. Hein. Ils ont tout donné. Et on est encore à l'antenne, au moins? Ah oui, là, on est encore à l'antenne. Je peux vous dire que là, je pense qu'ils nous ont rien laissé. Je sais pas comment on va faire repartir ce studio.